Deux jours à la même occasion, le rassemblement de souvenirs des matelots du bateau battant pavillon cambodgien Ebbe Bright a eu lieu le 5 courant au port de Haeju. Les orateurs ont souligné comme ce qui suit. Le président Kim Il-sung, le plus éminent vétéran politique du XXe siècle, reconnu par le monde, a accompli les grands exploits pour la révolution coréenne, la cause d'émancipation du monde et le développement des relations d'amitié entre les pays. Jouissant ainsi de la confiance absolue des peuples, le président s'immortalise toujours dans notre cœur. Au rassemblement, les participants ont adopté une lettre à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.